Tu la connais avec. prendre l'air du temps. On est tout le temps. De temps en temps. Le temps. En même temps, je pensais pas faire des trucs aussi gros. Mais en même temps, c'est une bonne idée. Parce que ça se dit quand même bien. Du coup, ça existe sur l'échelle du lieu, quoi. Un peu fou. Ce que peut-être on pourrait faire, même, c'est laisser une boîte de crêpes. Oh putain, je me suis bien déchiré.